Donc merci d'être venu. Si nombreux. Aujourd'hui nous accueillons Yves Jolivet qui est responsable, enfin, il nous dira si c'est le terme adéquat, des éditions Le Mot et le Reste qui se trouve à Marseille. Donc nous expliquer un peu tout ce qu'il édite et pourquoi il les édite et peut-être nous parler un peu du métier des petits éditeurs entre guillemets aussi, là il va y avoir peut-être un débat là-dessus. Sinon quelques informations, donc, on est en début d'année, on vous rappelle que le CIRA accepte avec le plus grand plaisir les cotisations, on vous donnera tous les renseignements. Et que nous avons encore des bouteilles de vin qui permettent de financer aussi un éventuel futur local, donc quelques caisses de reclus et du Gaillac avec des étiquettes spéciales. Hein. Donc tout ça, on vous renseignera après. Et bon, ça c'était pour les bonnes nouvelles. Les mauvaises, c'est que notre ami Henri Portier est décédé le 4 janvier, qu'il a été incinéré lundi dernier. Et donc il avait 64 ans, plein de projets, très dynamique. Il avait 65 ans. Et bon, tu t'es compté dans la date de naissance, peut-être. 65. Oui, t'as raison. Et donc voilà. Donc on a eu une pensée pour son travail. Il avait travaillé surtout dans le cinéma et le mouvement frère. Donc je passe la parole à Yves. Ok, merci et bonsoir. Enfin, merci en tout cas d'être venu ce soir. Moi, je ne voudrais pas me répondre. Il m'a dit de venir parce qu'on avait parlé de Ségolène Royal. Ah merde alors. J'ai pas ça dans le fond de commerce, je suis désolé. Pas non plus donc. Ni l'autre d'ailleurs. Qui sait. Voilà, donc maison d'édition qui est actuellement, on va dire, basée à Marseille. Moi, ça fait 20 ans que je vis à Marseille, je suis breton d'origine, histoire de placer d'autres informations comme ça. Et puis ça fait une dizaine d'années à peu près que cette maison d'édition s'est mise en place. Au départ, avant tout, sur quelque chose qui est loin de, on va dire, de l'objet de notre réunion ce soir, qui serait plutôt axé, on va dire, sur les sciences sociales, mais je travaillais beaucoup, je continue à travailler dans le cadre des arts visuels, j'ai fait pas mal de livres d'artistes. Donc Le Mot et le Reste, tout simplement au départ, parce que je demandais des mots à des poètes ou à n'importe qui, je m'occupais du reste, à savoir, donc tout ce qui avait trait à l'illustration, à la maquette, etc. Voilà, ça a tenu comme ça pendant quelques années. Enfin, ça continue d'ailleurs à ce niveau-là, comme ça. Et puis, depuis 2 ou 3 ans, j'ai eu souhaité de développer cette affaire et de revenir peut-être à ce qu'étaient mes anciennes amours, à savoir des bouquins aussi liés à l'action sociale et aux réflexions sur l'esthétique. Voilà, donc il y a maintenant 3 collections au sein de cette maison d'édition. Une collection qui s'appelle Écrits, qui concerne, on va dire, les écrits contemporains, ça veut dire la fiction d'une façon générale, et de la poésie. Il y a aussi une collection qui s'appelle Formes, dans le cadre de laquelle on étudie, où on pose des questions liées à l'esthétique d'une façon globale. Ça va sur, aussi bien sur le livre que de plus en plus sur la musique. C'est vrai que pour l'année 2007-2008, on va en sortir une demi-douzaine, notamment liée, on va dire, aux musiques populaires du type, comme le rock, mais aussi le jazz, etc. Et là, c'est quelque chose qui nous permet aussi de faire financer le reste, on va dire. Et puis, la 3e collection, sur laquelle bon, on pourra peut-être débattre, mais bon, les 2 premières, c'est un petit peu finalement la même chose, c'est largement ouvert. C'est ce qui a trait, on va dire, aux attitudes sociales. Voilà. Là, finalement, j'ai un petit peu exhumé tout ce qui était mon histoire. C'est vrai que dans les années 70, ma foi, j'ai un petit peu fait les 400 coups. En Bretagne, à cette époque, on avait droit à ce qui avait trait à Plogoff. on avait trait à un certain nombre de bagarres avec des CRS pour des raisons diverses et variées. Donc, je pense que j'ai à peu près participé à tout ce qui pouvait exister dans ce cadre-là. Ça, c'était pas, j'étais un petit peu trop jeune encore pour être dans cette affaire, mais voilà, donc on était un certain nombre à s'intéresser à ce type d'affaires. Et puis, quand il s'est agi de faire développer cette collection Attitude, ben, je me suis dit bon, quels seraient peut-être les ouvrages les plus emblématiques qui pourraient nous permettre aussi de nous positionner. Et puis, je suis tombé nez à nez devant quelqu'un que je ne connaissais pas à ce moment-là, qui s'appelait Maurice Demanger. Voilà. À ma grande surprise, n'existait plus, quelque part, parce que l'histoire du 1er mai, l'histoire du drapeau rouge, n'était plus publiée depuis une vingtaine d'années, mais il y avait un espèce d'embryon, enfin, de réédition de l'histoire du 1er mai via la Fédération anarchiste. Mais bon, c'était vraiment la queue de la comète. Il restait, je crois, une demi-douzaine de bouquins encore rue Amelot. Et puis, voilà, je me suis demandé, mais enfin, bon, comment faire pour rééditer ça. Et c'est un espèce de fil assez amusant qui s'est développé, parce que j'ai lancé deux ou trois informations sur le net, comme ça. Et je me suis retrouvé nez à nez avec quelqu'un qui est devenu par la suite un de nos auteurs emblématiques, qui est Roland Breton, que vous connaissez peut-être. Voilà. Avec lequel, là, on a sorti deux bouquins et on est parti pour une collaboration assez, assez considérable pour les années à venir. Donc, pour revenir donc de nouveau donc à Maurice Demanger, ben voilà, donc je lance un petit peu ce genre de choses. Où est-ce que je pourrais mettre la main là-dessus? Et puis, ceci étant, donc entre-temps, j'ai réussi à acheter, on va dire, l'ancienne édition de l'histoire du 1er mai, et puis voilà, on commence à travailler là-dessus. Au fur et à mesure, donc Roland me dit, mais il faudrait que tu ailles voir au CIRA, il y a peut-être matière à faire quelque chose, et effectivement, je trouve l'histoire du drapeau rouge là. Et puis, au fur et à mesure, les choses avançant, on a aussi réédité un bouquin que je trouve absolument exceptionnel, qui est sur les mémoires d'un prolétaire de Norbert Truquin. Là aussi, quelque chose qui est tombé en déshérence, parce que notre époque n'est plus du tout celle, on va dire, de Maspero. Enfin, on était à cette époque-là, dans les années 70, à un moment où tout le monde lisait. C'est-à-dire, les seules activités qu'il y avait en termes de ludique, c'était d'acheter des bouquins et éventuellement d'en débattre. La télé n'avait pas l'effet, enfin, à dire pervers d'aujourd'hui. Et le rapport au numérique, qui est de plus en plus en train de faire une pression sur le livre à l'heure actuelle, n'existait pas. Donc autant maintenant on est en train de se battre pour exister tout simplement dans les FNAC, dans les Virgin ou ailleurs, autant à cette époque-là, je veux dire, le bouquin avait la part belle. Hein. Les mémoires d'un prolétaire, c'était du 5 ou 10 000 exemplaires sans aucun problème. Aujourd'hui, on en est peut-être à 300 exemplaires de vendus et on va être content. Donc c'est vrai que la balance est en train de dérouler d'une façon assez dramatique à cet égard-là. Mais voilà, donc moi c'était un immense régal de relire cette histoire et d'avancer vers là. On en a d'autres. On pense notamment à Constant Malva ou d'autres personnes de ce type, les mémoires de Louise Michel aussi, sur lesquelles il y a encore un travail à faire. Et puis en avançant dans ce cadre-là, on est aussi en train de sortir pour l'année prochaine 3-4 bouquins de ce type. Donc en début janvier, il y a un truc qui s'appelle Le candidat de Flaubert, dont on a mis un grand oui là-dessus, tout simplement parce que c'est une comédie politique assez extravagante qui date de la fin du 19e siècle, qui est tout simplement la volonté de quelqu'un qui n'est pas un homme politique de vouloir en être un et qui est prêt à tous les compromis possibles et imaginables pour pouvoir être élu. Donc oui, c'est tout simplement « je veux être élu ». Pourquoi? Pour quel programme? On n'en sait trop rien, mais il est capable de négocier tout, de vendre sa fille, de bazarder sa femme, enfin, etc. Donc une pochade assez humoristique, parce que, bon, quand on voit un petit peu les Schuller et les autres être capables de faire tout et son contraire en région parisienne pour des élections, on pensait que c'était aussi quelque chose d'actuel. Mais c'est ça, il y a toujours un système de va-et-vient comme ça qui s'opère. Mais dans le même registre, donc au mois de février, on sort quelque chose aussi qui est assez intéressant, qui est dans le droit fil finalement de ce qui est défendu chez nous. C'est quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissiez Fernand Deligny. C'est quelqu'un qui, je crois, était très très important pour moi dans les années 70, notamment à cause d'un bouquin qui s'appelait Les graines de crapule, qui apportait un débat lié à l'éducation, et notamment, on va dire, à l'éducation des, non, même pas des autistes, tout simplement, mais des marginaux. Tout simplement, comment gérer la marge et l'accepter dans un état, finalement, quoi, sans devoir systématiquement la mettre en prison ou dans une comisole médicamenteuse. Et voilà, donc Fernand Deligny est décédé il y a 10 ans, et on s'est aperçu qu'il n'y avait quasiment plus de mémoire là aussi pour lui. Donc j'ai réussi là aussi via Internet tout simplement à revoir ses ayants droit qui vivent à ma grande surprise sur Aix-en-Provence. Et voilà, donc on a sorti un inédit de lui, et puis on continue dans cette affaire parce que en février prochain, donc on sort un bouquin qui s'appelle La vie de Radeau, qui relate aussi l'expérience qu'il avait lui mis en place à côté de Nîmes, enfin plus exactement à côté d'Alès, avec ses communautés d'autistes, qui sont la vie au jour le jour, effectivement, d'une communauté qui n'avait absolument aucun moyen, et qui a dû survivre, et c'est seulement, on va dire, très récemment, que l'ADAS a accepté que cette chose existe. Et quand on va les voir là-bas, moi je suis absolument ébahi de voir des autistes pouvoir avoir la paix. Voilà, ils sont dehors, ils ne sont pas en permanence enfermés, effectivement, sous cachet. Et il y a une démarche, moi, qui me semble être assez intéressante, qu'on voit de moins en moins, parce que, de fait, tout ce qui a trait à la folie, maintenant, est isolé et écarté. Et voilà, ça continue. Je pense qu'il est là aussi important de dire, ça existe, il faut militer pour que ça puisse se remettre en place. Et là, on s'aperçoit de toute la différence, là aussi, entre la volonté d'essayer de faire revivre ce qui était évident, quelque part, une espèce d'évidence dans les années 60-70, que tout ça allait durer. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, ben non, ça n'a pas duré, non, ça n'existe quasiment plus, et on est confronté à des choses absolument extravagantes, quoi. Voilà. Donc c'est un travail qu'on s'est donné là aussi comme objectif, et on va continuer dans cette droite ligne. Je parlais de Dommarget tout à l'heure, mais lui, bon, c'est une autre époque, notamment, on va ressortir la totalité des essais de Thoreau, un des auteurs notamment de la désobéissance civile, enfin un bouquin quand même assez important. Donc la totalité des essais dans un seul ouvrage pour là aussi poser la question de c'est quoi un homme libre, tout simplement. Quel est son rapport à l'État, mais non seulement le rapport à l'État finalement, mais aussi le rapport à la nature, le rapport à autrui, comment moi je me situe et comment j'accepte finalement un certain nombre de contraintes où je ne les accepte pas, jusqu'à quel point je peux le faire ou je ne le fais pas. Lui notamment, bon, il avait refusé notamment de payer un certain nombre d'impôts, il est allé en prison. Enfin, la prison était tenue par son cousin, la clé était sur la porte, et si vous voulez aller chez sa mère après, il n'y avait aucun problème. Mais en tout cas, le symbole a fait florès, parce que ça a permis notamment à Gandhi, au début du siècle dernier, de s'en inspirer pour faire tout ce qui a trait à la désobéissance, on va dire, civile, qui a fait que ben, l'Inde est devenue l'Inde autonome par la suite. Voilà, et puis éventuellement, on va dire, même José Bové ou d'autres s'en sont accaparés une partie sans trop lire peut-être la totalité de l'histoire. Mais voilà, donc tout ça c'est pour un petit peu vous donner le canevas de ce qu'on est en train de développer. Donc nous sommes, on va dire, quoi, 2 postes et demi, des emplois aidés, parce que bon, c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir survivre dans le cadre de l'édition. On a une diffusion qui est nationale, qui est absolument convenable. C'est vrai que les bouquins peuvent être vus que n'importe où, y compris donc à Marseille ou ailleurs. Il y a la télé, moi j'ai vu sur Arte, je crois, j'ai présenté des bouquins de toi, l'édition littéraire, on dirait que... Ah ben voilà, j'en apprends tous les jours. Ah, mais bon, on a quelques... C'est vrai que, notamment ce bouquin, qui est une histoire aussi là, surprenante, il est caché dans un coin, mais c'est ce qui nous a fait, là aussi, il y a un an et demi, démarrer. Ça, c'est un bouquin qui est assez étrange, finalement, parce que c'est un truc vraiment strictement marseillais, en ce sens où le traducteur bon, Bernard Place, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si vous connaissez, il a une galerie à Marseille qui s'appelle la Galerie du Tableau. C'est un monsieur qui doit avoir 70 ans maintenant, donc il a une grande bacchante là. Et en fait, c'est un arrière-arrière-arrière-petit-fils de Jean-Pierre Place, négrier. Et puis, il avait reçu donc un jour en héritage tout simplement son journal de bord, qui est écrit dans un très vieux français. Et qu'il a adapté, enfin qu'il a réécrit donc dans un français contemporain. Et donc on a sorti ça il y a un an et demi. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est très très long, très très longtemps vu ce qu'on a pu faire depuis. C'était le premier bouquin qui était hors poésie, on va dire, à ce moment-là. Et puis du jour au lendemain, comme quoi quelque part, quand les gens veulent trouver des bouquins, ils les trouvent. Il y avait El Kavach qui avait décidé de faire une émission sur. Sur l'esclavage, c'était un moment où Petré Grenouillot, qui en a fait la préface, avait un certain nombre de débats avec des associations noires. Et on a fait 3 ou 4 télés effectivement avec ça, c'est vrai que ça a bougé, et puis on a pu effectivement avancer là-dessus. Donc tout ça, on finit par se dire qu'avec des petites expériences effectivement liées au local, et ben ma foi, on peut aussi faire bouger les choses. Donc on a pu démarrer avec ça, et puis on continue à ce niveau-là, quoi. Voilà, que dire, je pourrais aussi vous parler peut-être de Roland Breton, parce que ça c'est aussi une chose qui est assez surprenante. On parlait effectivement de la... Enfin, je vous laisserai aussi la parole aussi, parce que ce ne sera pas inintéressant d'entendre votre point de vue sur tout ce que je suis en train de dire. Voilà, par exemple, Roland Breton, donc au moment où j'ai commencé à échanger avec lui, donc m'a parlé effectivement de ce qu'il pouvait faire sur Maurice Dormanger. Donc je vais le voir s'il habite à Venel pour échanger sur le travail qu'il fait. Et à ma grande surprise, je m'aperçois que c'est un des spécialistes des langues minoritaires. Et pas qu'un peu, parce qu'il fait des atlas effectivement de ce type de langue dans autrement. Bon, enfin, quelqu'un d'une somme. Et on y a passé à un moment donné absolument extravagant. Il me dit, voilà, bon, ben mes bouquins, ça, vraiment, c'était chez Flammarion. Flammarion n'en veut plus, tout simplement. Voilà, dans la collection Domino. Ça n'intéresse plus, tout simplement, parce que c'est plus vendeur. Donc, Zou, on vous relance votre contrat. Donc, on l'a repris, on a démarré avec ça. Et c'est vrai que ce qu'il pose comme question, les peuples et États, l'impossible équation, effectivement, c'est le rapport des minorités, effectivement, face à les États jacobins. C'est vrai que c'est au niveau de la France, c'est pas inintéressant ce qui est développé là-dedans. Et l'analyse qu'il donnait il y a une quinzaine d'années, enfin qu'il a reconstruite pour aujourd'hui, n'a très très peu bougé. C'est vrai que la France est campée sur des positions liées justement notamment aux langues d'une façon assez affolante, quoi. Et puis on a continué au point, donc on va dire qu'il a sorti une synthèse de toutes ses réflexions justement sur le multiculturalisme chez nous. Voilà. Et là, je peux dire, on a une réelle fierté de pouvoir défendre ce genre de choses. Juste une anecdote, parce que je l'avais vu avant, il avait son manuscrit là, et il avait des contacts avec l'Armatan. Et maintenant, quand je travaillais en bibliothèque, il m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai formellement déconseillé d'aller chez l'Armatan. Absolument. Tu vas nous expliquer pourquoi. Oui, oui. Et j'ai été très content de voir que c'était publié chez un éditeur digne de ce nom. Donc là, peut-être, alors, un peu le débat. L'Armatan, c'est l'éditeur qui publie le plus de titres en France. Il y a à peu près 1200 livres par an. Et alors, presque. Oui, oui. Alors, c'est l'éditeur le plus riche de France. Pour une raison assez précise, de fait, c'est pas loin de ça. Tout le monde peut éditer chez l'Armatan. Vous avez un roman, vous avez un manuscrit, il prend. Et je paye. Enfin, c'est, généralement, donc, il va dire, on va attendre, on va le tirer à 200 exemplaires, on va le tirer en numérique. Mais pour le tirer, vous allez prendre une cinquantaine de bouquins pour vous, que vous allez payer. Bah, tant qu'à faire. Pour distribuer. Et puis en même temps, comme il ne va pas s'occuper du service de presse, il va vous demander aussi de vous occuper du service de presse. Donc ça veut dire de toute façon que votre bouquin est invisible. Donc il en sort 1200 comme ça, donc ça sort à la chaîne. Comme il sort à 200 exemplaires éventuellement, donc 200 exemplaires ça veut dire quoi? Il va en garder 50 qui va positionner ici ou là, et tout le reste en fait va être de façon un petit peu tordue comme ça, récupéré par l'auteur qui va devoir raquer pour ça. Il est fort, hein. Et là-dessus, donc de toute façon, il n'y aura jamais de droit d'auteur, il n'y aura strictement rien, et puis le tour est joué, quoi. Mais si ça marche, il fait un tirage. Voilà, et si ça marche, il refait un tirage. Mais il fait quand même des contrats lyoniens, parce qu'il fait des contrats à vie. Et en même temps, c'est assez pervers. Parce que dans le fond, finalement, nous ici, donc nous on tire en offset. On tire un minimum de 500-600 exemplaires. Si les bouquins ne tournent pas, ils sont en stock, donc ça veut dire qu'on peut alimenter, on va dire, les librairies si jamais ils le souhaitent. De la même façon, si jamais ils marchent, eh ben, on continue à les retirer. Lui, en fait, comme il fait du numérique, il va en tirer peut-être après 50. Si jamais l'auteur dit « je veux récupérer mes droits parce que le bouquin est invisible », etc., il va faire en sorte d'en tirer peut-être 10, et je les ai. Donc si jamais il y a de la demande, je le refais. Donc l'auteur est coincé. Voilà, il y a des contrats comme ça existe. C'est l'éditeur, encore une fois, qui fait le plus de marge, effectivement, au niveau de la France. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, Roland, effectivement, il avait ce bouquin, il me dit, ouais, alors maintenant, je sais pas trop, je dis, ouais, t'es fou, tu vas te... voilà, pour ces raisons qu'on a évoquées là, je dis, c'est pas la peine, quoi. Et c'est vrai que ce texte, en plus, je allais absolument dans le sens des réflexions que je pouvais avoir aussi sur le multiculturalisme. C'est pas anodin que je vous dis que, en préambule, que je suis breton. Les problèmes qu'ils posent là-dedans, c'est vrai que sont patents là-bas. C'est comment une minorité qui veut exister va accepter un certain nombre de contradictions ou de contraintes pour être dans l'État français et dans le même temps pour pouvoir faire en sorte que le bilinguisme existe. Voilà, c'est une espèce de permanence, on va dire, d'aller et retour qui sont assez, assez intéressants et dont Roland Breton, j'allais dire, parle bien. Comment effectivement une langue, il faut qu'elle puisse exister, qu'il y ait un certain nombre de locuteurs là, et puis il faut en même temps, on va dire, qu'il y ait une école maternelle qui parle de ça, qu'il y ait une école primaire, et puis surtout qu'après il y a des universitaires qui continuent à le faire. C'est des problèmes qui se soulèvent à juste titre et qui apparemment ont réussi à être résolus de façon très très calme, ceci étant en Bretagne. Qui va être probablement le cas au niveau des Pays Basques, c'est à souhaiter, ce qu'on a pu voir aussi notamment pour les Alsaciens, etc. Voilà, donc ce sont énormément de réflexions qui sont posées, de ce type, qui sont posées avec Roland, et si d'aventure un jour, ma foi, on fait peut-être une rencontre avec Roland Breton ici ou ailleurs, il prendra certainement plus le temps d'en parler mieux que moi, parce que moi je ne suis pas un spécialiste effectivement de ça, je veux parler du cadre du développement de ces idées. Pour les affiner, c'est un autre problème. Je ne suis pas non plus un intellectuel ou quelqu'un qui est amené à ne peut réfléchir que sur le rapport aux langues. Voilà, donc ça c'est un travail effectivement qui est mis en place avec Roland. Et on va continuer ça pour dans le cadre de cette année avec la sortie d'un texte qui paradoxalement là aussi n'a jamais été publié. C'est un texte de Renan qui pose un postulat assez intéressant, c'est « Qu'est-ce qu'une nation ?». C'est un petit texte qui doit faire peut-être 5 ou 6 pages, mais qui pose effectivement tous les germes de c'est quoi une nation, c'est quoi bêtement, on va dire tout simplement un individu qui s'intègre quelque part avec ses droits et ses devoirs. Et on a tendance à l'oublier, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été écrit dans le 19e siècle et qui est absolument d'actualité aujourd'hui, et dont Roland fera non pas une préface mais une introduction, parce que c'est vrai que par les temps qui courent, c'est pas négligeable d'oublier. Ces droits-là, quoi. On est très très loin de Sarkozy ou de Ségolène Royal, mais Renan, c'est quand même, on va dire, en même temps, le départ d'une nation française, paradoxalement, parce que tout le monde se réclame de lui, mais on a tendance à oublier tout simplement ce qu'il a écrit. Voilà, donc on va sortir ça au mois de juin pour rappeler un certain nombre de petites choses, même si on ne s'attend pas peut-être à des ventes mirobolantes. Voilà un petit peu ce qui est le cadre de la maison d'édition. Alors, avec ce nom-là, paradoxalement, non. Moi aussi, j'étais persuadé, mais je crois qu'il vient du centre de la France, enfin sa famille en tout cas, lui s'est enraciné depuis très longtemps ici, mais il a énormément passé de temps en Afrique noire pour faire justement des cartographies de langue, et je crois qu'il a passé... Renan. Oui, pas Roland, Renan était breton, oui, absolument. Ah, oui, absolument. Non, Roland breton. Non, tout à fait. Et en Inde aussi beaucoup, parce qu'il a fait énormément de cartographies là-bas. Et d'ailleurs, en ce moment-ci, il est en Inde, de nouveau, à Goa d'ailleurs. Voilà comment ça marche. Après, je ne sais pas si vous souhaitez peut-être des questions peut-être plus techniques sur comment ça marche une maison d'édition, ou peut-être revenir sur un bouquin plus spécifiquement. Comment ça se passe quand c'est dans le domaine public, comme dans un truc, je suppose qu'il y a des ayants droit, et après qu'il n'y ait pas une concurrence entre les éditeurs, que tout le monde le fasse, parce que je crois qu'en attendant, on va rééditer aussi. Alors, ça c'est une chose qui est assez amusante aussi, cette affaire. Moi j'ai, on va dire, rencontré le manuscrit ou le livre de Norbert Truquin, en fait ici. Je l'ai lu après avoir récupéré ce bouquin il y a à peu près un an. Et puis j'ai dit, mais ça, c'est absolument abyssal, c'est extravagant. Voilà l'histoire de quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, qui est capable de donner, de raconter sa vie d'une façon, enfin absolument... C'est un français parfait, quoi. Enfin, Et quand on voit ce qui lui est arrivé, enfin, je sais pas, c'est une vie absolument misérable. C'est pire que Cosette, c'est pire que Zola. Enfin, ce qu'il raconte quand il était petit, parce que son père ne s'occupait pas de lui, il le lâche au milieu de tout. Il le met dans un... je sais pas si c'était quelqu'un, un soyeux quelconque, il devait s'occuper de récupérer des restes de viande sur le marché. Alors c'était des têtes dans lesquelles il y avait des vers, des choses comme ça. Et c'était à lui de s'occuper de ça, de le dépiauter, enfin, etc. C'était un truc de fou, quoi. Il apprend à lire à 40 ans, après avoir fait la commune, avoir cet aperçu effectivement de quel était le sens de pouvoir essayer de travailler en commun, de créer des communautés. Il est allé aussi faire un petit saut en Algérie, pensant qu'il allait pouvoir s'en sortir là-bas. Il s'est aperçu du décalage qu'il y avait entre le discours français justement et l'occupation physique finalement de ce territoire. Ça ne lui a pas plu, parce que notamment dans son rapport à l'armée, il est revenu en France, il s'en sortait toujours pas, il est parti en Uruguay, enfin voilà. C'est quelqu'un qui, comme ça, a un petit peu dévissé sur toute la terre, et qui en a fait un bouquin absolument admirable, qui, à mon sens, je pense qu'il aurait pu atterrir à Terre humaine. Voilà, c'est un bouquin qui aurait sa place largement là-dedans. Donc voilà, je tombe là-dessus, et puis en même temps, j'ai une préface absolument intéressante, donc de Paul Lejeune. Alors je vais sur Internet, parce que Internet sert beaucoup effectivement à ça, et je m'aperçois que existe une petite version chez l'Armatan. Donc je l'achète et je m'aperçois que là aussi c'est pareil, c'est un truc en numérique, quasiment de la photocopie. Et voilà, c'est une vision moche avec des extraits de la première préface, donc de Paul Lejeune chez Maspero. C'est quoi ce machin, c'est... Il n'y a rien à faire de ce truc-là, quoi. Donc, lui, il faut quand même finalement sortir la version intégrale. Et à tout hasard, je vais sur Internet en me disant que je vais peut-être trouver cette Paul Lejeune et puis voir ce qu'on peut faire ensemble. Bingo, je tombe sur elle et puis je l'appelle et puis je vois, c'est un petit peu ce qui peut se faire. Paul Lejeune doit avoir 75 ans là, maintenant, vit toujours à Paris. N'est plus exactement ce qu'elle pouvait être dans les années 70 quand elle militait, on va dire, pour Maspero ou des choses comme ça. Mais bon, toujours bon pied, bon oeil, je lui dis, mais ce serait peut-être intéressant de ressortir ce bouquin, mais d'en faire une préface qui serait une préface d'aujourd'hui. C'est-à-dire tout simplement ne pas dire, ne pas refaire du militantisme à la Maspero, c'est pas audible aujourd'hui, et puis surtout je pense que le discours a absolument évolué par rapport à ça, mais de dire, voilà, je l'ai découvert dans quel cadre, et à quoi ça peut servir un bouquin de ce type encore aujourd'hui. Donc, et on a sorti ce bouquin qui est très très loin quand même de effectivement de ce qui peut se voir chez l'Armatan. Et puis c'est vrai que chez l'Armatan, comme il prend tout et son contraire, c'est le genre de choses qu'il faut trouver dans une cave au deuxième sous-sol chez lui à Paris, mais ce sera absolument pas exploité, ce qui n'est pas le cas de ce bouquin où on fait des démarches effectivement pour dire il existe, il faut en parler, il faut que ça continue autour de tout ça. Voilà, donc il y a eu trois versions, on va dire, de ce bouquin-là. Un premier chez Maspero, un second chez l'Armatan, et un troisième, donc, chez nous. Alors, pour les droits, comment ça peut se passer, effectivement, là-dessus? C'est encore plus simple. De toute façon, Norbert Truquin étant mort à la fin du XIXe siècle, se saisit qui veut de ce livre, enfin, en tout cas, du manuscrit, et en fait, entre guillemets, ce qu'il veut. C'est-à-dire que si jamais il veut en faire une synthèse comme on avait fait Paul Lejeune pour l'Armatan, elle peut le faire. Si jamais on veut faire un bouquin qui soit de réelle qualité, on peut aussi le faire. Mais c'est valable pour Louise Michel, c'est valable pour Shakespeare, c'est valable pour tous ces gens-là, en fait. Voilà, on a le même cas de figure avec Taureau pour cette année. Ben, ma foi, on a récupéré les textes en anglais sur le site qui est lié au Taureau Institute aux États-Unis, mais on a aussi, là aussi fait l'option quand même de faire une traduction qui tienne la route, ce qui n'est pas le cas des traductions faites à la va-vite, qu'on va retrouver notamment au Mille et une Nuits, où c'est à l'emporte-pièce avec des erreurs de syntaxe assez importantes. Et surtout, on s'est dit, tant qu'à faire, si on sort la totalité des essais, c'est qu'on recontextualise le tout, et on prend le temps de dire qui était effectivement Taureau. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire Taureau, c'est uniquement l'auteur des désobéissances civiles, c'est pas vrai. Un titre comme ça, d'ailleurs, en soi, n'a jamais été revendiqué par Taureau. C'est pas du tout le titre, en tout cas, du texte de son vivant. C'est après que c'est un glissement qui s'est opéré là-dessus. Et c'est pas non plus le texte, l'auteur, de bouquins sur la nature. C'est les deux en même temps. Donc on a pris le pari de dire les multiples visages de Taureau dans le cadre de l'introduction pour que les choses soient claires. Voilà, c'est un petit peu le travail qu'on se donne par rapport à ça, parce qu'on aurait pu faire comme d'autres aussi, se dire, c'est quelqu'un qui a fait des tonnes d'aphorismes super géniaux, on va se contenter de faire ça, et puis zou, roule ma poule. C'est pas les enjeux qu'on se donne. Par rapport aux aphorismes, celui de Deligny, c'était un manuscrit, c'était les choix de Deligny. Oui, alors... parce qu'effectivement, tu dis, pour Mille et une nuits, un petit bouquin d'aphorismes de Thoreau, c'est des petits bouts de... plus ou moins classé, c'est voilà, pas, absolument. Bon, ça donne un vague aperçu des idées de Thoreau, mais absolument. Je comprends ce que tu veux dire, par rapport à quelqu'un qui, de lui-même, écrit des aphorismes. Oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le titre? Oui. Moi, au début, je croyais que c'était un faute. Non. Alors, je ne sais pas s'il y a cette phrase, oui. Alors je vais déjà pour reparler de Essie et Copeau, Essie c'est parce que c'est Essie, on aurait ceci, on ferait cela, etc. Et puis Copeau, c'est finalement, il y a une phrase qui est assez admirable là, qui était que il se pourrait que le meilleur de l'ouvrage réside dans ce qui reste, c'est-à-dire quand l'œuvre est terminée, les Copeaux. Voilà. Ça, c'était au moment où j'étais en train de fureter sur Internet, je tombais sur un site, sur Deligny, et il y avait à la fin de ce site des extraits d'un bouquin qui était inédit. Donc des courts textes qui étaient effectivement des aphorismes absolument lumineux. Je n'aurais jamais pensé que Deligny puisse faire des textes poétiques. Et puis voilà, d'ailleurs personne jusqu'à la parution de l'ouvrage pensait effectivement à ce cas-là. Et en allant voir donc son ayant droit, il est venu, quand je lui ai dit que j'aurais souhaité voir ce qu'il y avait comme autre texte dans ce cadre-là, oui, mais en fait, il y a des centaines de pages qui existent, qui s'appellent donc Essie et Copeau, qui sont deux séquences de textes que Deligny a fait à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus marcher, et il avait une grande planche en bois avec des feuilles de format A3, il écrivait donc avec un crayon gris, une grande écriture comme ça, des réflexions sur toute sa vie. Mais ça peut être des réflexions bêtement sur la psychanalyse, il avait horreur des psychanalystes, des psychiatres, etc., de la politique. Il était communiste quelque part, mais il avait horreur des communistes. Voilà, mais bon, ou du parti, juste comme ça. Il écrivait sur la folie, il écrivait sur sa mère, parce que sa mère était une bigote, et à cause de ce côté bigote, il est devenu absolument athée. Donc voilà, il y avait des tas de choses comme ça, et c'était absolument trépidant et absolument alerte comme travail. Et on a pris la totalité de ces manuscrits qu'il a fallu réécrire à la main, les uns après les autres. Donc on a fait un bouquin comme ça. Et comme il y avait une typographie, effectivement, sans nom, donc à chaque fois, il a fallu essayer de jouer sur ces grandes interrogations, ces points d'interrogation qui apparaissent un petit peu partout, là-dedans. Voilà. Et il y avait des termes comme HS, c'est par exemple c'est l'homme que nous sommes, etc., qu'on va retrouver de façon récurrente là-dedans. Et puis voilà, donc on a édité ce bouquin, et ma grande surprise, on a eu aussi une aide du CNL pour nous permettre d'éditer ce livre. Parce qu'à ce moment-là, quand on l'a édité, ben, on n'avait pas de diffuseur, enfin on avait une diffusion qui était un petit peu limite, et c'était pas très très satisfaisant. Et alors la couverture, là aussi, il faut que je vous explique un petit peu une chose assez extravagante. Ce que vous voyez là, c'est pas un dessin en soi, comme ça, c'est en fait ce qu'on appelle une ligne d'herbe. C'est-à-dire que, donc, il faut toujours songer que Deligny travaillait avec des autistes. Les autistes n'ont pas accès au langage, de fait, donc comment parler avec des gens qui ne parlent pas. Donc eux, ils ont pris le parti de faire un petit peu l'inverse, finalement, qui est dans les lieux dans lesquels ils sont enfermés aujourd'hui, qui sont qu'on les secoue, tu vas ici, etc. Donc à un moment donné, ils finissent par comprendre ce qu'on appelle des ordres, et ma foi, ils vont se diriger vers un certain nombre de contraintes. Donc lui, il s'est dit, on va essayer de comprendre tout simplement comment ils circulent. Est-ce que dans l'espace physique, ils auront un territoire dans lequel ils vont s'arrêter d'une façon ponctuelle, et auquel cas, nous, on va essayer de voir pourquoi ils sont là à un moment donné, et éventuellement, à partir de ce cadre-là, est-ce qu'on ne pourrait pas gérer leur quotidien, notamment par rapport tout simplement à ce qui est le fait de manger, le fait de pouvoir s'habiller, et le fait d'être propre. Ce sont des bases, parce que pour le reste, ma foi, je crois qu'on n'ira pas très très loin, quoi. Et ils se sont aperçus, tout simplement, qu'en décalquant tous les jours, ils ont pris des calques, ils ont fait le circuit de ces autistes, de chaque autiste, dans l'espace. Et là, les traits, c'est tel jour, il est passé par là, il a fait ça, et ça, et ça, et ça, il est revenu, etc. Et il y a des nœuds, effectivement. Les nœuds, c'est les lieux dans lesquels ils se tournent en rond. Soit il y a une pause. Pour quelle raison? Ça, on n'a pas toujours réussi à trouver. Mais c'est vrai que c'était surprenant. Donc ils ont fait énormément de cartographies comme ça, de tous les autistes avec lesquels ils ont travaillé. Et c'est assez étrange parce que ce genre de choses a fait l'objet après d'expositions, notamment au Centre Pompidou, parce que d'un point de vue esthétique, c'est formellement très beau, mais ce que ça sous-tend derrière, c'est absolument magistral. On a toute la circulation d'un individu, effectivement, dans un espace donné. Et là, on revient, effectivement, là aussi, sur la personnalité de Deligny, qui est absolument riche, finalement, parce que c'est quelqu'un qui a été le premier à mener, tout simplement, le cinéma, donc le cinématographe, on va dire, dans le rapport au social et le rapport à l'éducation. Il a fait énormément de films, justement, sur ces autistes dans les années 70, et qu'on va encore revoir, parce qu'il y a des DVD qui sont en cours de préparation. La préface du prochain bouquin sur l'expérience de Deligny est faite par Thierry Garel, qui est le responsable, de la structure documentaire Arte, qui est un des principaux soutiens, on va dire, de cette association maintenant. Il a fait aussi, c'est lui qui a permis à Truffaut de terminer un film qui s'appelle Les 400 coups, à la fin, là où on voit Doinel ficher le camp là, vers le bord de la mer. C'est Truffaut ne n'arrivant pas à sortir par rapport à ça, est venu voir Deligny qui lui a expliqué comment quelqu'un qui aurait perdu les sens, tout simplement, va pouvoir courir vers la mer. Donc il y a eu un échange épistolaire, et pas des moindres là-dessus. Voilà, il a été à l'interface d'énormément de choses, Deligny. Mais comme c'était un absolu irrégulier et qu'il fuyait, on va dire, la foule et le rapport, tout simplement, au pouvoir, il est toujours resté marginal. Donc, de fait, il n'a jamais eu la place qu'il aurait dû avoir. Peut-être tant mieux, quelque part. On est quelques-uns à estimer que... Voilà, il faut avoir la foi pour le défendre. Qu'est-ce que c'est la foi ou la passion, peu importe. Mais bon, ça fait partie là aussi des choses qu'on a souhaité défendre. Voilà. Je ne sais pas si je me trompe, mais dans les années 70, il a été s'occuper d'une école à Saint-Mandé ou à Vincennes. Il a eu des écoles, oui, auparavant, dans les années 50. Il a intégré dans l'éducation nationale. Ah oui, oui. Il a démissionné de l'éducation nationale justement à chaque fois parce qu'il était mis au piquet. Hein, donc les démarches qu'il avait étaient très très proches de Freinet. Il n'a jamais voulu s'entendre là aussi avec Freinet parce que voilà, c'est deux individus qui avaient besoin d'être « je suis chef » quelque part, malgré tout. J'ai un certain nombre d'idées et voilà, on met deux coques dans une basse-cour, comme on dit, il y en a un qui va devoir s'écraser. Quoi. Gilbert, je sais que quand tu veux, tu as une bonne voix de basse. Si tu veux me faire profiter, comme tu t'exprimes, je t'en serai reconnaissant. Et j'espère que tu te sens flatté, parce que je ne demanderai pas au premier venu. En bref, il ne t'entend pas quand tu parles. En bref, mais il me dit à chaque fois. Non, c'est vrai qu'il y a une voix, en tout cas, qui est plus large, plus ample que la mienne, donc c'est vrai que j'essaye en... Je t'entends très bien. Bon, oh là là. Il peut faire mieux, mais il ne fait pas l'effort. Tu serais un orateur né, alors, peut-être. Bon, revenons aux choses sérieuses. Deligny. Voilà, donc Deligny, c'est une histoire qu'on souhaite pouvoir faire continuer sur un long terme, avec là aussi donc ce travail avec Jacqueline. On a d'autres propositions aussi là-dessus, et éventuellement donc continuer sur ce rapport à la pédagogie. Voilà, je ne sais pas si vous aurez éventuellement d'autres questions à poser, parce que c'est peut-être sur des axes pointus comme ça qui vous semblent assez intéressants, sur lesquels je pourrais approfondir quelque chose. Parler de la préface qu'a fait Charles-Jacques, comment il a replacé le bouquin sur l'histoire du premier maire. Oui. Par rapport à la première édition, je crois que c'était peut-être deux feuilles ou... Non, oui, il y avait... Les années 70. Voilà, tout à fait. Bien un petit peu avant. Un petit peu avant. Voilà. D'avoir vu la vieille édition, voilà. Alors là aussi, c'est une chose assez étrange, finalement, cette affaire, parce qu'au moment donc, où je récupère ce manuscrit, donc l'édition qui était faite par la Fédération anarchiste, je me suis dit, mais mince, on est quand même loin du compte, c'est quelque chose qui s'arrête au début des années 50, donc en gros, ça va concerner l'histoire du 1er mai. façon, ceci étant très très intelligent, moi j'ai eu l'impression de lire un polar. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce livre, mais on se demande à tous les ans si ça va durer. Enfin, au départ, pour relater tout ça, c'est vrai que ce 1er mai va débuter dans les années 1870, si je ne m'abuse, peut-être un petit peu plus tôt, à Chicago, avec les émeutes de Haymarket, 86. Dans lequel donc il y a une manifestation d'ouvriers qui est dispersée par la police et qui tire dans la foule. Donc il y a un certain nombre de morts, et pour évidemment trouver des alibis pour dire c'est pas notre faute, c'est leur faute, ils récupèrent un certain nombre d'anards dont la plupart n'étaient en plus pas dans cette manifestation, et les pendent. Voilà. Ça, c'est, on va dire, le départ, finalement, de cette affaire. Et puis, au fur et à mesure, on va dire, d'une année sur l'autre, il y a une velléité d'un certain nombre, on va dire, d'associations, d'essayer de faire une fédération autour de cette idée de 1er mai sur d'autres thématiques, dont notamment l'accès aux 8 heures pour tout le monde. Et il va y avoir un certain nombre de Français et de Belges qui vont réussir à fédérer ça, qui ne sont pas des gens comme Jaurès ou d'autres, hein, au contraire, qui sont vraiment des marginaux, qui au fur et à mesure vont faire en sorte que ce 1er mai existe. Et puis, donc, il va y avoir un certain nombre d'avatars. C'est vrai que les 8 heures vont arriver au début du siècle dernier, donc a priori, il n'y a plus de raison, quelque part, que cette manifestation perdure, mais elle va être le moment où, tout simplement, les masses ouvrières vont être là pour dire « on existe, on a des revendications, et il faut le faire dans le cadre du 1er mai ». Bon, c'est vrai qu'en 36, normalement, ça aurait dû devenir un jour férié. Il s'avère qu'au moment où, on va dire quasiment à la journée près où la loi devait passer, d'ailleurs, le fameux renversement du gouvernement, et c'est Pétain qui s'est arrogé ceci. Voilà, comme quoi l'histoire est assez un petit peu bizarre comme ça. Et puis, donc, ça finit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vrai que par la suite, on s'est aperçu que les syndicats, là aussi, ont été en large perte de vitesse. Qu'est-ce que ça peut signifier, effectivement, le 1er mai aujourd'hui? Et donc, j'avais des interrogations sur comment faire qu'aujourd'hui, on ait une préface d'actualité. Et il m'est arrivé donc tout simplement de rencontrer à ce moment-là Charles Jacquelet, que je ne connaissais pas. Et à ma grande surprise, la seule personne qui, à ce moment-là, que je pouvais connaître sur Marseille, qui avait lu ce bouquin, c'était lui. Et puis, non seulement il le connaissait, mais il était capable d'en connaître encore mieux que moi son histoire, et d'en faire un développement sur la contemporanéité. Simplement, en gros, comment le 1er mai s'articule aujourd'hui, et surtout, quels pourraient être ces développements. Donc, voilà, c'était assez intéressant de voir que ce dont il parle dans la préface, avec ces fameuses associations qui pourraient se mettre en place aujourd'hui, dont le terme m'échappe un petit peu, là, où est-il ? Je vais vous le retrouver là-dessus. C'est les Heureux My Day, j'imagine que vous connaissez. C'est vrai que voilà, ce sont des pistes qu'il énonce, qui sont, ceci étant, relativement restreintes, parce que, je ne sais pas, il doit y avoir 400, 500 personnes qui sont actifs comme là-dedans, mais ça peut avancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas anodin que j'avais souhaité qu'il y ait ça comme couverture, cette couverture qu'on avait prise sur Marseille, travaillant tous moins et autrement, ça reste quand même le postulat du 1er mai. Avant tout, c'était effectivement le partage du travail. Et Jacquet s'en explique d'une façon très très lumineuse dans le cadre de cette préface. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à cette question. C'est pour le drapeau rouge et le postface de Voilà, alors là c'est une postface, on n'a pas souhaité effectivement la mettre en introduction parce que l'introduction était assez amusante, celle de Demangeux, parce que l'introduction il l'a faite dans les années 60. Alors je vais essayer de retrouver ça. Alors il finit par en disant la randonnée lunaire du vaisseau spatial soviétique le 3 février 66 amène le drapeau rouge et le premier drapeau de l'espace. On se dit que... Un truc comme ça, il faut le garder. Parce que quelques mois après ou quelques années après, on va retrouver effectivement le drapeau américain. Et puis il va y avoir encore autre chose. Alors, laissons-le tel qu'il est comme ça. Par contre, développons notre postface qui va dire, eh ben, il s'est passé ça et ça et ça après. Parce qu'on cassait un petit peu cette image romantique qu'il avait du drapeau rouge en introduction. Ce qui n'était pas le cas pour l'histoire du 1er mai, on pouvait se permettre d'emblée de dire il y a tout ça aujourd'hui, il y a urgence. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que pour l'histoire du drapeau rouge, il y a des choses absolument formidables dans cette histoire. Dans un premier temps, on pourrait dire tout simplement que le drapeau rouge est un drapeau générique, notamment en Chine. Il y a 3000 ans, c'était le drapeau quand même de l'empereur, hein, qu'on soit clair. La place rouge n'a pas attendu d'être la place rouge avec Lénine, c'était bien avant. C'est comme ça, il y a un drapeau rouge qui est très très fort. Mais voilà, il y a eu cette affaire, le drapeau rouge qui nous concerne, effectivement, va arriver plutôt un petit peu avant la Commune, mais c'était le drapeau notamment que, et même dans le cas de la Révolution française, était levé pour tirer dans la foule. C'est-à-dire c'était le drapeau l'ordre martial. C'était le drapeau qui signifiait attention, danger, on va vous tirer dessus. C'est extraordinaire cette affaire, quoi. Et c'est peu à peu, justement, pour détourner cette affaire-là, qu'il y a un certain nombre d'insurgés se sont arrogés le drapeau rouge sans qu'il y ait plus d'informations là-dessus. Mais ce qui était panodin là-dedans, c'est que de façon quasi concomitante arrive le drapeau noir. Et il s'en explique bien là-dedans parce que je me suis souvent interrogé sur l'histoire du drapeau rouge. Est-ce qu'on allait mettre dessous et du drapeau noir? Parce qu'à plusieurs reprises, il en parle d'une façon très très conséquente. Et on s'en est aperçu effectivement qu'il parlait bien de ça quand il s'est agi de faire, la promotion de cet ouvrage-là. Maurice Demanger, ce bouquin-là, est absolument honni par le communiste lambda. Ils n'en veulent pas à l'UMA. Ils n'en veulent pas. Tout simplement parce que il va dans le rapport à l'ouvrier, c'est vrai qu'on s'est aperçu que les cocos là-dedans, ils sont pas très nets, quoi. Ils sont jamais nets. Et c'est pour lui parler, il a été. Mais il y a plus de 60 ans que j'ai pris des distances. Mais c'est vrai que c'est réellement impressionnant cette affaire. Et puis surtout, il pose, et ça, c'est, Demanger ne l'évoque pas, mais Roland Breton, dans le cas de sa postface, pose aussi un problème qui n'est pas inintéressant. Demanger va dire, oui, c'est maintenant ça devient important, par exemple, qu'à partir de 1905 et 1917, l'expérience qui était mise en place en URSS, eh ben, ça allait s'aimer un petit peu partout, et que ce qui allait se passer ensuite en Chine, en Mongolie et ailleurs, ce serait le parangon de l'esprit universel du drapeau rouge. Et alors que, Demanger, lui, pensait que ça allait être ça. Et c'est vrai qu'il va s'arrêter à peu près au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, où il fallait être pour, en gros, ou contre. Donc lui, il a décidé de pour. Donc, on n'allait pas lui casser cette histoire en mettant une préface qui allait dire qu'effectivement, depuis, il y a eu notamment la chute du mur, et que cela a induit un certain nombre de réflexions sur le sens de ce drapeau. Voilà. Et il n'en reste pas moins qu'au fil du temps, on va s'apercevoir que ce drapeau rouge va être avant tout, finalement, le drapeau d'une population qui est tout simplement des prolétaires, qui, au travers des nations, va se coaguler, va se fédérer autour d'un drapeau qui, en même temps, va devenir en même temps très rapidement une déclinaison avec une signalétique. C'est un petit peu, finalement, comme le drapeau noir. À un moment donné, il va y avoir une incapacité totale d'être devant un drapeau seul, en soi. Il faut qu'il y ait des déclinaisons. La CGT aura son drapeau rouge, la CDT aura machin, la CNT machin, etc. Et à chaque fois, ça va se décliner comme ça sur des affirmations qui vont qu'à un moment donné, ça va se dissoudre. C'est ce qui m'a amené à me dire finalement, je vais prendre quelque chose comme un petit peu que tout le monde connaît, qui est un point de vue très romantique. Parce que c'est vrai que ce drapeau rouge, finalement, c'est une idée d'une limite qui aurait pu être un espèce d'idéal. Voilà. Et un idéal qui maintenant est un petit peu galvaudé autour d'une image qui est celle du Guevara, qui est une espèce d'icône. Voilà, une image pieuse. On est bien d'accord, effectivement, là-dessus. Jésus, c'est pareil. Oui, mais Jésus n'a pas été sur un drapeau. Voilà. A priori, peut-être ça existe. Alors, il en fait une déclinaison, il parle pas de Jésus, mais il parle de Spartacus quand même, en disant que peut-être que Spartacus avait un drapeau rouge aussi, et que, voilà. Donc il n'y a pas de preuve. C'est un symbole dans l'empereur de Rome, et le rouge, donc je crois qu'effectivement, il y a quelque part, que Spartacus l'a pris comme défi. Mmh. Mais finalement, c'est un peu le retournement aussi que je signalais tout à l'heure, à savoir la loi martiale. Donc, par défi, les manifestants s'entendent beaucoup. C'est pas impossible. Moi, je l'avais dans l'étude d'Olivier, peut-être. voilà. Peut-être là ou ailleurs. Mmh. Bon, ce sont des postulats, mais c'est vrai que oui. quand on parle de ce rapport au romantisme, on est en plein dedans. Autant pour l'histoire de 1er mai, moi j'étais absolument épaté par le fait que c'était jusqu'au bout quelque chose d'absolument fragile. Que tous les politiciens du 19e siècle, surtout en plus, bon, je ne parle pas de la droite évidemment qui n'en voulait pas, mais de la gauche socialiste, ils n'en voulaient pas de ça. Parce que chacun avait son prix carré, il ne voulait pas que ça se fédère, surtout en dehors de chez eux. Donc c'est assez intéressant de le lire, et ça remet en cause un certain nombre de points de vue qu'on avait sur un certain nombre de politiciens qui sont sacrés des parangons, on va dire de la gauche socialiste. Alors que l'histoire du drapeau rouge, c'est beaucoup plus aléatoire comme affaire, c'est le lot d'individus. Il y a beaucoup de têtes brûlées là-dedans qui, à un moment donné, vont s'arroger le drapeau rouge. Et l'apparition, là aussi, du drapeau noir, ça a été au départ tout de suite, c'était du pain ou la mort. Et on était effectivement dans un phénomène encore plus bas que ça, on était dans un rapport effectivement physique au fait de pouvoir s'exprimer. On l'a vu rapidement à Lyon, on l'a vu rapidement à Reims, et puis ça s'est fait accaparer, on va dire tout simplement, par des gens qui ne voulaient même pas de la politique du drapeau rouge. C'était encore plus primal que cette affaire. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'il y avait l'évolution tout simplement du drapeau rouge, eh bien, il y avait le drapeau noir qui se mettait en place en deçà ou à côté de ça. Avec au fur et à mesure des théoriciens qui se sont accaparés à juste titre. Mais encore une fois, moi j'étais étonné que cette histoire du drapeau rouge, de fait, là, dans ce bouquin-là, serait pu s'appeler différemment aussi. C'est pour ça que je souhaitais qu'il y ait un peu de noir là-dedans. Mais mettre le drapeau rouge d'un côté, mettre des drapeaux rouges d'un côté et des drapeaux noirs de l'autre, ça posait un autre postulat. Est-ce qu'on peut changer les titres? Par où il y a les titres d'une œuvre qui a déjà été publiée? L'auteur avait choisi un titre. Oui. Est-ce que tu pourrais, enfin, en tant qu'éditeur, changer le titre original? Il est. Enfin, dans un cadre contractuel, c'est généralement en même temps l'éditeur qui choisit le titre. Bon, ça c'est une chose qu'il faut savoir, mais on n'a jamais changé le titre initial d'un bouquin. Il y a juste ici. Le titre qu'avait donné Paul Lejeune, parce qu'il faut savoir que ce manuscrit n'avait pas de titre au départ. C'est le journal de Norbert Truquin. Point. Paul Lejeune, quand elle l'a fait éditer chez Maspero, a fait Mémoire d'un prolétaire je ne sais pas, dans le cadre de la Révolution. À travers la Révolution. À travers la Révolution. Quelle Révolution ? À la fin de sa vie, il n'est pas du tout là-dedans. Il est dans les réflexions sur les phalanstères. Quelle révolution, de fait, il a fait la Commune, mais il n'a pas été actif là-dedans. Il a glissé dans ce cadre-là. Et je me suis dit, elle a dû mettre ça aussi parce que c'était aussi un ancrage complémentaire dans les années 70 pour que les gens puissent se voir. Voilà, ça se passait bien chez Maspero. Or, et c'est pas pour rien que je dis, c'est un bouquin qui aurait pu se trouver dans le cadre de Terre humaine, c'est que là, il s'agit de la mémoire vraiment d'un prolétaire. C'est quelqu'un qui a vécu vraiment de ses mains, qui n'a jamais eu les moyens, tout simplement, bêtement, d'avoir maison à lui. Pour des raisons qui sont à bras-calabrande, parce que finalement, c'est quelqu'un d'intelligent, et peut-être que j'ai l'impression que son trop plein d'intelligence ou d'intégrité a fait qu'il n'a jamais pu s'acoquiner avec même d'autres personnes, tout simplement, pour créer des phalanstères. Il a toujours fui ce genre de choses. Alors ça va se demander si on va défendre des individualistes comme celui-ci, qui sont finalement pas très loin de l'igné ou d'autre. Bon, Truquin finalement n'a laissé que cet ouvrage, donc on ne pourra pas aller plus loin sur cette affaire. Mais je m'interroge là aussi sur la réédition d'un certain nombre de bouquins de ce type qui étaient chez Maspero dans les années 70. Mais ceci étant, ils sont quand même moins forts que lui. Il y avait le bouquin aussi d'Agricole Perdiguier. Je ne sais plus quel était son... Voilà, Mémoire d'un compagnon. Ceci étant, ça fait 500 pages quand même, donc c'est un petit peu plus costaud. C'est d'un autre registre aussi, parce que je me suis aperçu que Agricole Perdiguier, c'était comme quand le bâtiment va, tout va. C'est le problème du compagnonnage aussi. Hein. Oui. Il est plus ambigu. Ouais. Il est plus ambigu et de la fin de sa vie, c'est quand même un bon bourgeois. Est-ce qu'on veut défendre ça? Bon, petit peu l'impression de me tirer sur les dents là. Donc voilà. Ceci étant, c'était chez Maspero aussi, ce genre de choses. Alors comme quoi on peut lire, on peut donner l'impression que ce sont des gens qui vont défendre un certain nombre d'idées, et puis finalement, au fil de la chose, c'est pas ça non plus. C'était un petit peu le même problème pour Constant Malva, où je sais pas trop si d'un point de vue, on va dire, intellectuel, c'était vraiment ça aussi, quoi. Donc voilà, moi je souhaiterais quand même... Constant Malva, c'est l'aspect littéraire qui va être intéressant. Oui. C'est tout le courant littérature prolétarienne, donc tu n'es plus dedans. Alors ça c'est aussi une interrogation. Je me suis demandé, parce que bon, on a vu des contacts aussi avec quelqu'un d'autre qui avait fait un dictionnaire de la littérature prolétarienne. Thierry Maricourt. Je m'étais dit que ça, ce serait assez intéressant peut-être de refaire. C'est un truc qui était épuisé, donc je l'ai eu au téléphone à plusieurs reprises. Apparemment, il voudrait que, on va dire, la maison d'édition qui avait créé ce genre de choses voudrait peut-être le refaire. Des points d'interrogation, aujourd'hui c'est pas encore le cas. Mais ceci étant, là-dedans, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, apparaissait là-dedans quelqu'un qui s'appelle Azouz Begag. Ah, ça vous parle? C'est un ministre. Azouz Begag, c'est le ministre de l'intégration. Et moi, ça m'a posé une colle. Et je me suis dit, mais au nom de quoi quelqu'un devient un écrivain prolétaire? Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre la fin de sa vie dans ce cas, pour être sûr qu'on ne soit pas trompé sur lui? Parce qu'on s'aperçoit que... Mais c'est emblématique, finalement, comme... C'est peut-être le problème de Thierry Maricourt, parce que son livre sur la littérature libertaire, il a un peu annexé des gens, enfin, Camus, même s'il était proche, il s'est jamais dit anarchiste, et il avait mis Jules Vallès aussi, qui était, bon, je sais pas, l'anarchie n'existait pas, même le mot libertaire, je sais même pas s'il existait à l'époque. Bah, il avait oublié... Il a mis Clavel aussi. Il a oublié Gibbon. Voilà. Parce qu'il ne le connaissait pas. Par donc contre, il parle de Léo Mallet, alors que Léo Mallet, 20 ans après, il n'était plus anarchiste. Il a été anarchiste 10 ans de sa vie. Même pas. Il était anarchiste entre 16 et 19 ans. Ouais, et il écrit son premier roman à 40 ans ou à 42 ans. Et le premier roman, il conchit sur les anarchistes. Maricourt met un chapitre sur... D'où, de fait, la plus grande prudence à faire là-dessus. Mais celui-là, je trouvais ça absolument extravagant, parce que je me suis dit, voilà, il y a quelqu'un qui fait une littérature qui propose un certain nombre de réflexions sur, on va dire, le monde prolétaire, et on s'aperçoit que l'individu en soi est un arriviste, un cynique, j'en sais rien, moi, finalement, qui a vendu sa tambouille pour devenir ministre. Mais alors, à partir de là, quid des autres que je ne connais pas, parce qu'il va falloir que je les lise tous, parce que bon, il faut être quand même relativement prudent par rapport à ça, et en est résulté le fait que, ben non, ça va pas se faire, parce que voilà, c'est posé aussi un autre problème, finalement, donc dans le cas de la collection Attitude, c'est vrai qu'on va défendre un certain nombre de, on va dire, de postures qui me semblent importantes, dans lesquelles il y a quand même un rapport à l'écriture, c'est des gens qui écrivent bien quand même, qui sont là. Et puis c'est vrai que, bon, ça s'est su que j'avais, on va dire, une certaine inclinaison libertaire, et j'en ai eu des manuscrits que je reçois comme ça. Camarade, machin, un truc, rien, je fais un roman, un truc. Mais bon, je veux bien, ça, il n'y a pas de problème. Après, c'est la forme, l'écriture, le talent, parce qu'on se mesure un certain nombre de choses aussi, qui sont que, on peut avoir un certain nombre d'idées, de fait, et puis après, il y a tout simplement un rapport au fait d'aller dire, on va défendre quelque chose. Et si on est en face de quelque chose de relativement faible, pour des raisons diverses et variées, ben c'est pas la peine, c'est fait, on va dans le mur. Donc il s'agit de défendre des idées, certes, mais après il y a le tricot qui est autour. Je fais une parenthèse, parce que c'est vrai qu'il y a quelques-uns qui se disent, on est d'accord sur un certain nombre d'idées, mais ça suffit pas, effectivement. Il faut, effectivement, j'aurais tendance à dire, avoir un rapport professionnel bêtement à ça. C'est de toute façon, la collection littéraire, il y a des noms, il y a des mecs que je connais dedans, mais après tu peux en parler un peu, Federman ou Olivier Domer, qui ont quand même une écriture, une originalité d'écriture, une différence par rapport aux autres. Absolument. Pas par rapport à la littérature standard. Voilà. Donc c'est vrai que là, on va rebondir sur les collections littéraires, qui tu publies, pourquoi, voilà, tout à fait. Et dans quelle école, mais dans quel mouvement ils se placent. Voilà, c'est vrai que là on a fait un petit peu le tour de la collection Attitude, qui sont donc, on va dire, des comportements sociaux emblématiques sur lesquels, voilà, on continue avec un certain nombre de choses. Et au niveau de l'écrit, ce sont finalement, on va dire, les premiers auteurs que j'ai publiés il y a 3-4 ans de ça. En fait, la raison au départ en était assez simple. Donc, je reviens finalement à mes livres d'artistes. Donc, ça, là aussi, ça s'est su finalement que je faisais des trucs qui tenaient la route. J'ai eu des propositions d'un certain nombre d'auteurs. Non, ça m'intéresserait qu'on puisse travailler ensemble. Mais je ne pouvais rien en faire parce que c'était trop loin finalement de ce que je pouvais m'accaparer en tant qu'artiste. Et puis, j'ai demandé au CNL si on pouvait avoir des aides pour la publication de ce genre de choses. Ça a marché. Et puis là-dedans, j'avais peut-être deux ou trois idées assez précises. Donc, on va dire un rapport, dans un premier temps aussi, à l'écriture. Un rapport au langage qui était un rapport finalement novateur, quelque part. Je pense notamment à Federman, qui a une façon d'écrire assez classique d'un côté. Il est absolument trépidant en même temps dans sa narration. Et c'est en même temps quelqu'un à qui son articulation stylistique va démarrer sur une chose assez simple. À 12 ans, sa famille se fait arrêter, il est donc d'origine juive, toute sa famille se fait arrêter par Pétain, appelé un brave français, qui l'amène à Auschwitz. Il finit sans sa bonnette, comme il le dit. Et lui, pour éviter effectivement ça, ses parents le cachent dans un débarras. C'est-à-dire qu'ils entendent les pas monter, et puis la seule chose que fait sa mère, c'est l'attrape, et elle le cache dans un débarras en disant « ne bouge pas ». Quoi que tu entendes, ne bouge pas, tu sortiras quand tu pourras. Et il est resté des jours entiers là-dedans, c'est-à-dire une semaine là-dessus. Il se chie dessus, enfin, etc. C'était absolument terrible. Et il a conçu effectivement un personnage pour... comment écrire après ça, hein? Surtout après, quand c'était... Entre-temps, donc... Le Bernard, il est encore vivant, il a 75 ans aujourd'hui, donc il fiche le camp de ce débarras, il se retrouve dans le centre de la France, il se fait exploiter comme un esclave avec les fermiers de l'époque, il revient dans sa famille à 16-17 ans et on le prend pour un ovni, enfin, c'est le seul qui a échappé, toute sa famille ne peut même plus parler de lui, parce que s'il parle de lui, il parle des autres. Et pourquoi lui a échappé alors que tout le reste n'est plus qu'un non-dit, parce que ça n'existe plus. Donc il fiche le camp aux États-Unis et il se crée un personnage là aussi pour se protéger de ce passé. Et il a attendu d'ailleurs plus de 40 ans pour commencer à écrire, parce que c'était pas... on ne pouvait pas écrire là-dessus. Donc il a fait un premier livre qui s'appelle La voix dans le débarras, qui est une espèce d'éructation sur 20 pages, sur un début d'écriture. Voilà. Tout ce qui s'est passé par la tête avec une violence sans nom. Et puis au fur et à mesure, donc il s'est apaisé, et le fait de cette concentration finalement de mots a fait qu'il a construit aussi des pages avec des positionnements, on va dire, stylistiques assez abracadabrants. Et puis il a commencé à faire de la poésie, ce qui a été l'objet effectivement de notre premier travail ensemble, qui s'appelle Future Concentration. Quand dans cette concentration, future, etc. Et où il parle finalement de sa famille, où il y a des choses... j'ai reçu un texte qui, à un moment donné, il me dit « Et toi, ma sœur, le jour où quand je vais être amoureux, est-ce que tu penseras encore à moi du haut de mon petit tas de cendres ?» Enfin, je sais pas, il y a des choses... C'est tellement simple, et en même temps, on est devant quelque chose d'absolument classique. Voilà. Moi, j'ai eu les cheveux qui se dressaient sur la tête, c'est rare, hein, devant un auteur pareil, on a choisi donc de le défendre. Voilà, parce qu'il a un rapport à l'écriture. Qu'est-ce qu'un bon livre? Je sais pas. En creux, je peux le définir comme ça. En quelques mots, je sais pas non plus. Parce que tout le monde a sa vision, finalement, du bon livre. Mais là, il y avait un rapport à l'écriture, une densité sans nom. Et ça fait maintenant 5 ou 6 livres qu'on sort de lui. Après, le mauvais, c'est ce qui est écrit sur des schémas toujours les mêmes, qui brossent le lecteur en sens du poil, qui sont modes, qui prennent des thèmes à la mode. Et des choses comme ça, c'est ça. Après, le bon, il y en a plein de sortes. Oui. Parce que j'aurais tendance à dire aussi, il y a eu beaucoup de bouquins de faits sur la Shoah. De fait, ça devient une espèce de quelque chose de redondant. Lui a toujours évité, quelque part, de le faire tout en évoquant sa position là-dessus. Et à tel point que, bon, il n'y a jamais eu de biographie, et on sortira à la fin de cette année d'avoir une biographie de Federman, parce que ça me semble assez important. Le paradoxe, par exemple, de ce genre de personnage, c'est que il a été visible dans... depuis très récemment, il a été énormément défendu par notamment des on va dire, Libération en particulier, les Aéroclubtiques beaucoup, simplement parce que c'était le chaînon manquant finalement entre les années 60, une façon d'écrire qui était de couper les phrases, de couper les mots comme ça, tel qu'on a pu faire chez tel quel ou d'autres, mais il est apparu plus tard, donc on a pu se l'accaparer comme ça, alors que fondamentalement ce dont il parle, c'est quelque chose d'absolument classique. parler de la Shoah, c'est pas nouveau. Mais voilà, donc il est là aujourd'hui, et on avance vers cette affaire. Donc un rapport au langage, effectivement, dans la collection écrite, et un rapport, on va dire, au paysage, à la nature. C'est vrai que, et là je reviens de là où je viens, donc un rapport, je suis natif, on va dire, du bout de la Bretagne, en face de la mer. Bon, donc j'ai un rapport au paysage qui est très très très très fort. Et ma famille, là aussi, quand je dis langage, nous ne lisons que très peu, j'ai beaucoup voyagé dans les dictionnaires. Donc voilà, c'est un petit peu, on va dire, on voyageait, on fait le tour du monde dans sa chambre, moi c'était mon cas pendant très très longtemps, et c'est vrai que ce rapport du langage et le rapport, on va dire, au paysage est très important chez moi. Ça explique aussi pourquoi, bon, j'ai travaillé, et on va continuer à travailler avec des gens comme Olivier Domergue notamment, parce qu'il écrit beaucoup sur le paysage. L'auteur qui est là à côté, donc qui est Ronan Bonvalet, dont le bouquin s'appelle « Comment j'ai gagné le Canada », est un rapport aussi au paysage. On va voir notamment tout le paysage du Canada des années 50-60 se développer autour de nous. C'est un bouquin, là aussi, qui est assez paradoxal. On est tombé sur ce livre qui était édité il y a très longtemps, un conte d'auteur là aussi, qui est, on va dire, quasiment le pendant de Sur la route de Kerouac, sur le Canada. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas écrire de la même façon sur l'espace francophone que sur l'espace américain. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que Kerouac était dans un milieu dans lequel ça fumait beaucoup, ça picolait beaucoup, et qu'il y avait une déambulation assez précise, on va dire, sur un certain jazz, finalement. Donc quelque chose d'assez refermé sur soi-même. Et lui, il va essayer d'arriver au Québec, et le Québec, c'est un univers catho. Absolument, on va dire, sous la chape de plomb des prêtres, etc. Donc c'est vrai qu'on va pas gérer cette chose-là de la même façon. Il n'en résulte pas moins que il a pris sa bagnole et puis il est allé de Québec à Vancouver et il a vu le passage du français à l'anglais, le passage effectivement des curés qui va se désagréger, l'arrivée des années 60 dans son rapport à la musique, l'arrivée de la country music là-bas, qui va introduire autre chose que... Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait la messe sur les radios, c'est la seule chose qu'on pouvait écouter. Donc il y a une espèce de déambulation comme ça, d'un espèce de poulbeau qui va s'enraciner au Canada. Voilà, donc là aussi pareil, donc un rapport au langage, parce qu'il y a une écriture aussi qui est absolument trépidante, et puis une espèce de narration qui va s'ouvrir sur le monde. On en aura d'autres là-dessus, quand je parlais donc de ce rapport finalement à... je sais pas s'il va être là, non. La déambulation spatiale, sur le paysage, on aura aussi des bouquins sur la ville. On a un de nos prochains bouquins, c'est quelqu'un qui est intermittente, enfin qui trouve un travail précaire et qui pendant des années a pris un métro, toujours le même, pour aller de son travail à chez elle, et inversement. Et puis elle s'est interrogée sur les gens qu'elle voyait. C'est un petit peu ce qu'on fait tous, hein, finalement, quand on est dans le métro aérien. C'est qui ces gens-là qui sont derrière les fenêtres? Et comme, si jamais vous faites la même chose tous les jours, l'été, l'hiver, etc., on se dit, tiens, cette fenêtre, c'est plus la même. Tiens, le papy, il n'est plus là. Tiens, le mec, il est avec une nana. Non, c'est des petits, etc. Et paradoxalement, sauf peut-être Pérec, qui a fait ce livre absolument extraordinaire qui s'appelle « La vie, mode d'emploi », qui est une vue abyssale, je ne sais pas si vous connaissez, sur un immeuble, elle a fait un livre sur son parcours, sur ses parcours. Où elle s'est interrogée comme ça, elle a fait des développements, enfin, sur les couleurs qui veulent induire qu'éventuellement c'est telle ou telle famille. Elle ne connaît pas. Ce sont des postulats comme ça, des petites fenêtres, effectivement, sur une vie de tous les jours. Voilà, une espèce de déambulation de ce type. Voilà, c'est ça. Elle s'appelle Anne Savelli, et là c'est un pari, c'est un premier roman. Ce genre de choses qui ont un petit peu casse-gueule, mais qu'on s'est dit qu'il fallait faire. Et dans le même temps, pour contrer effectivement tout ça, on a sorti par exemple ce genre de choses aussi qui ne sont pas anodines. C'est là aussi une réflexion qui est parallèle sur, on va dire, la musique populaire. Plutôt que de se dire, si jamais on doit faire des choses sur la musique, on ne va pas faire encore un truc sur les Beatles, on va pas faire des trucs sur les Rolling Stones, etc. Il y a ce que vous voulez là-dessus, tout est son contraire. On s'est peut-être dit, il y a des histoires des marges à faire. Il y a des gens qui, à un moment donné, ont servi d'appui à tous ces gens-là par la suite. C'est-à-dire que, par exemple, plutôt que de parler, on va dire, de Led Zeppelin, peut-être que quelques-uns connaissent ce groupe-là, on va parler des gens que ces musiciens ont pillés. En disant, ça vient de tel album, sans faire de l'ostentation, on va dire, musicologique pour autant. C'est-à-dire, voilà, il s'est passé ça, notamment au niveau de... On met beaucoup l'accent aussi sur, sur les folk, le folk des années 60-70, donc le rapport au texte notamment, et on va s'apercevoir que là aussi, il y a des tonnes de choses qui sont arrivées 2 ou 3 ans avant les grandes stars. Plutôt que de parler de Leonard Cohen, on va parler de, des gens qui ont débuté ce genre de choses. Plutôt que de parler de Mick Floyd, on parlera de Syd Barrett, etc. Donc il y a toute cette chose-là qui est là-dedans. Et à notre grande surprise, eh ben, voilà, ce genre de petites choses absolument marginales, eh ben, on est à peu près 3000 exemplaires de vendus en 3 mois. Ce qui est... Je commençais par les critiques qu'il y a eu dans la presse spécialisée. Il y en a eu beaucoup, mais ça s'est fait surtout sur un bouche à oreille. On s'est aperçu qu'il y avait des attentes, enfin finalement on était sur la même marge que ça, mais là paradoxalement il n'y a plus d'attentes parce que la génération qui est la nôtre, qui connaît encore ça, n'est pas remplacée. Moi mes enfants ne lisent pas. Et encore ils ont de la chance d'être dans une famille dans laquelle il y a un rapport à l'écriture, des livres. Mais c'est le fameux débat, est-ce qu'on va acheter l'iPod ou est-ce qu'on va acheter des bouquins? Et le glissement, il est de plus en plus violent. Hein. Allez dans les grands hypermarchés, maintenant, vous allez voir que la part du livre est en train de... comme ça. Et effectivement, le rapport à Internet est en train de se développer. Voilà, donc on est sur une espèce de fast-food comme ça, de culturel. C'est la qualité des livres, c'est la ouais, mais ça, c'est... C'est pas moi, c'est mon... Non, mais on pourrait revenir là-dessus. Ça, c'est encore un autre débat, justement, qui est que... c'est vrai, bon, on passe un petit peu au cacalade, mais c'est un débat qui est vachement important en ce moment-ci pour tout le monde, tout simplement parce que il est en train de se passer aujourd'hui la même chose qui s'est passée dans les années 80 avec la musique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde à une époque allait chez le petit disqueur, on avait la bavette pendant des heures pour acheter un truc auquel on n'avait pas songé. Ce que fait normalement, qui est censé de faire un bon libraire, finalement, quoi. Ça s'est cassé la figure parce qu'il y a des concentrations et que maintenant c'est encore pire parce que l'Internet est en train de tout grappiller. Ben, au niveau des bouquins, on s'est aperçu que les hypermarchés prenaient les livres comme étant des produits d'appel. Parce que tout simplement, le client lambda ne sait pas tout simplement que la loi langue autorise à tout le monde à avoir moins 5%. Et eux, ils ont mis en grand, ce que ne font pas les petits libraires, promotion moins 5%. Ce qui est un mensonge erroné. Ça concerne tout le monde, ça. Seulement, le brave Pékin du coin qui va chez Lidl maintenant pour faire ses courses, il se dit. Je fais une affaire. Alors il va acheter le Harry Potter là-bas plutôt qu'ailleurs. Mais et alors nous aussi on s'est aperçu pendant ce genre de bouquin, évidemment, ça n'ira jamais au centre Leclerc. Mais pour la petite histoire, on vend ça dans les centres Leclerc. Parce que c'est des libraires qui bossent là-dedans. L'espace librairie de Leclerc, c'est une librairie. Il y a des libraires qui bossent. C'est, donc les mecs ils vont mettre ce qu'ils risquent devant. Voilà. Ce qu'ils risquent. Et en même temps, il y a des coups de cœur. Donc c'est, on s'est posé une colle, finalement. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on voit ces milieux au fur et à mesure en train de se... De on se... s'est vendu chez le maire à plusieurs dizaines d'exemplaires. La frontière espagnole, il en a Si le libraire pense qu'il va le vendre, il le vend. Chez Leclerc. Ça affiche. Oui. Ils sont obligés de faire un retirage. Ils avaient tiré à 2000, ils sont épuisés. Mais tout simplement parce qu'on est devant des livres comme ça. Ça, ce sont des livres en fait qui n'ont pas besoin de prescripteurs, entre guillemets. C'est-à-dire que ce qui se passe dedans doit parler immédiatement à un certain nombre de lecteurs. Le livre en soi est un support d'information sur autre chose. Alors que ce bouquin, la collection écrite, c'est le livre en soi, avec le scénario qui est à l'intérieur, qui doit parler. Alors que là, c'est très large, 140 options pour que quelqu'un éventuellement prenne ce bouquin. Voilà. Et on s'est posé une colle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on s'aperçoit que le libraire, les 2/3 qu'on connaît, lesquels on bosse, je parle des libraires indépendants, ils sont au SMIC, voire à moins du SMIC. Et que ça barre. Notre structure de diffusion a dû embaucher 2 personnes à plein temps pour relancer le libraire sur les impayés. Ils n'arrivent plus. Et là, on pose le problème finalement du système des dominos. Comment ça se passe cette affaire finalement? Tous les libraires sont contraints contractuellement à payer des traites tous les mois à des structures de distribution qui vont commencer par évidemment toute la bande de Lagardère qui sont Hachette, etc., par Gallimard au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va passer du plus gros au plus petit. Comment ça se passe cette affaire? Tout le monde a besoin de trésorerie et ça se vend de moins en moins. La seule solution, ou une des solutions, c'est d'en tirer plus en espérant deux choses. Que là-dedans, éventuellement, il y a de la rotation, c'est-à-dire que plus qu'on en sort, comme le libraire est en train de payer, ça fait de la trésorerie, en espérant qu'à un moment donné, il y a un tube là-dedans pour que, eh ben, on gagne plus d'argent. Le problème, c'est qu'ils font tous ça. Ils vendent tous des machins de gare. Alors, le libraire, le matin, quand il ouvre sa porte, il y a le transporteur qui arrive, qui lui bouffe des caisses. Sur des choses, des fois, qu'il n'a pas demandé. Ce qu'on appelle des offices. Il faut savoir tout simplement que nous, nos diffuseurs, on est diffusé sur à peu près 1000 structures qui ont vendu plus ou moins nos bouquins, ce qui est quand même assez important. Il est en concurrence avec des gens qui, de fait, vont vendre Harry Potter, mais le truc sur la princesse Diana, enfin le machin, sur j'en passe et, tout et son contraire. Mais il n'y a pas d'autre mot, c'est tout et son contraire. Ils arrivent là, et ils représentent une force de frappe assez importante. Donc imaginez, il y a Hachette qui arrive, ils ont un catalogue long comme ça, sur ce qui va sortir sur les deux mois. Le gars, il va dire, j'aime pas, je veux un, deux, trois quand même. Il voit des trucs, je sais pas moi... pas le candidat de Flaubert, mais éventuellement je vais parler de Titeuf et des choses comme ça, dire ça vous mettez 50. Et puis évidemment une palette. Mais le reste après, le problème c'est qu'ils ont des tables comme celles qui sont ici. Il faut mettre le bouquin à plat dessus. Et à un moment donné, eh ben, il n'y a plus de place. Et si le bouquin n'est pas visible, il est cuit. Se pose encore donc le second problème. Donc le transporteur il arrive, il ouvre son machin. Il voit des bouquins qu'il n'a pas commandés. Mais il n'a pas le temps de revoir les factures et de dire je ne suis pas d'accord, renvoyez-le. Donc il les met sur les tables. Regardez-vous le moment où il les a mis sur les tables, il va devoir les payer. Et le tour est joué. Le problème de ce libraire-là, c'est qu'à la fin, à force de faire du chiffre, en espérant là aussi d'en vendre suffisamment, ils vont plus faire le travail qu'ils devaient faire au départ, c'est de causer des bouquins qu'ils aiment bien, donc ils vont faire du chiffre. Et bien à la fin, ben, on va sur Internet ou on va ailleurs, et puis. Ça se casse la gueule aujourd'hui. Donc on est sur les 5 ans qui viennent, effectivement, sur une révolution là aussi, qui est que ben, il va se passer pour les libraires ce qui s'est passé pour les disquaires. Oui, parce que la loi Lang avait quand même évité que les libraires meurent par rapport aux disquaires. Ah non, alors oui, alors il y avait ça, mais c'est surtout ça, ça a permis effectivement un effet de non-dumping. C'est-à-dire que il y a des taux qu'on distribue en fait donc à des structures, on est sur une moyenne à peu près de 35% qu'on va donc attribuer aux libraires. Sauf pour la FNAC, par exemple, là c'est un exemple assez typique, la FNAC dit, venez chez nous c'est 40%. Content, pas content. Voilà, plus de 5%. Tant qu'à faire. Voilà, par exemple, c'est comme ça. On est coincé par rapport à ça, et il y a tout ce système. Ceci étant, j'ai perdu le fil, tu me disais... C'était l'histoire de la loi Lang qui avait évité que les libraires disparaissent, quand même, alors que les disquaires ont tous disparu, voilà. Les disquaires indépendants. Et se posait aussi le problème que non seulement il y avait cette négociation, mais certains éditeurs pouvaient se permettre de vendre des bouquins à bas prix, voire à prix cassé. Or nous, les petits, on ne pouvait pas se permettre ça. Et à partir du moment où il y en avait un qui mettait la main dedans, ben nous, on était contraints de s'adapter à ça. C'est-à-dire, oui, mais lui, il fait 50%. Donc on va le privilégier. Ben vous allez devoir faire ça aussi. Donc c'est vrai que ça a permis, effectivement, surtout de contraindre. Parce que on est dans un milieu commercial. On vend certes des idées, mais on vend, pour ces gens-là, on vend des produits. On vend des caisses de produits. Et voilà, ce qui fait que nous, le truc, on a de la chance d'être défendu dans les FNAC et de jouer un petit peu sur les équilibres entre la musique d'un côté et des choses qu'on souhaite défendre de l'autre. On ne ferait que ça, on mettrait la clé sous la porte en moins d'un an. On ferait que ça, je commencerais à m'emmerder un peu parce que c'est pas non plus ce que je souhaite, il n'y a pas que ça que je souhaite défendre. Quoi. Donc c'est comment, effectivement, de trouver un espèce d'équilibre entre... une idée de la vie, un comportement social, et puis quelque part d'autres choses que je trouve pas inintéressant pour autant, loin de là, et au contraire, parce que c'est aussi d'alimenter une espèce d'intelligence, mais ça nous permet là aussi de faire avancer le truc. Voilà, on est en ce moment-ci sur une réelle révolution internet, à son compte, on va dire, à la musique. On est à la limite, effectivement, de cette affaire dans le cadre du livre. Voilà. On avait déjà parlé tout à l'heure, effectivement, du fait de la déperdition, on va dire tout simplement, de la littérature militante, parce que ben, on est de moins en moins à le défendre. Notre génération, on va dire, a connu une époque dans laquelle on devait se positionner. En gros, on était pour quelque chose ou contre quelque chose. Enfin, c'était un monde quand même duel, à peu de choses près. Et après, il y avait des niches encore là-dedans. Et on savait contre qui on se battait. C'est vrai que j'ai le sentiment que les générations qui sont arrivées aujourd'hui, enfin notamment celles qui ont dû gober les années 80 où c'est tout libéralisme, et aujourd'hui dans lequel il y a encore moins de fric, c'est pas évident, parce qu'on est en train de les faire en même temps croire que le bouquin ne sert plus à rien et qu'on est dans une espèce de monde ludique. Voilà, on consomme ce genre de choses, on vous dit consommez ça et ça suffit, quoi. Et c'est une réelle inquiétude. C'est vrai que le bouquin est, à la fin de l'année, un cadeau qu'on offre de moins en moins. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut faire ça, on résiste, mais on n'est plus dans une position, on va dire, hégémonique d'un point de vue de ce qui est la culture, quoi. Voilà, c'est le cinéma, et encore même le cinéma, on s'aperçoit qu'on peut le mettre dans le téléchargé, que... Voilà, donc il faut avancer, résister, continuer, faire un petit peu ce qu'on fait ici. Mais le problème en même temps, c'est que ce qu'on fait ici, on est quelque part entre nous. C'est-à-dire qu'on défend un certain nombre d'idées, et finalement, on est à peu près d'accord là-dessus. Moi, c'est pour ça que j'ai souhaité réactiver ça, donner des couvertures peut-être plus contemporaines, en disant que c'est pas... Des gens qui savent de quoi on parle, finalement, ils ont peut-être pas besoin qu'on réalimente ça. Mais il faut peut-être essayer de trouver aujourd'hui un nouveau public, des jeunes. Que les 300 cachettes, ce soit des nouveaux. Voilà, absolument. Et ça, c'est... Enfin, dans l'histoire, les gens n'achètent plus de bouquins, etc. Enfin, il y a un truc qui est assez rigolo, parce que des fois, on en parle, je sais pas, avec des collègues, des boulots, des trucs comme ça, et puis ils disent, non, de toute façon, je n'ai pas le temps de lire. Oui, mais nous, non plus, on n'a pas le temps de lire, mais on continue à acheter des bouquins. Et c'est quand même... Enfin, je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui veulent faire pareil. Nous, on continue à acheter des bouquins. Et de fait, quand même, on les... C'est-à-dire qu'on les lit tous, quoi. Et on continue à soutenir les émissions. Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose derrière. Il y a cette espèce d'amour. De besoin de vivre, en se disant, on va trouver. De besoin d'avoir du livre à la maison. Ils viennent sortir un livre qui s'appelle « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ?» Il vient sortir, là. Non, mais absolument. Ça, les gens ont lu. Ça, c'est pas le jeu des critiques. Non, mais c'est intéressant, ouais. C'est pas seulement la portée. On est en face de ça, il y a une réelle mutation en tout cas sur cette affaire. Moi je vais te poser une question, tu montes en Angleterre là? Ouais. Par rapport à ton parcours avant, tu as été photographe, tu as été en édition avant Non. Elle est assez rare. Oui. Non, je disais tout à l'heure, moi, ma famille lisait très peu. Leur rêve, enfin, l'espèce de maximum qu'ils souhaitaient pour moi était deux choses dans les années 70, on va dire en gros, c'était les PTT ou les EDF. À peu près comme tout le monde, donc je ne suis pas allé au PTT, je ne suis pas allé au EDF, voilà. Bon. Au grand désespoir de mes parents. Ou la SNCF embauchait beaucoup. L'éducation nationale n'en parle même pas, c'était même pas inimaginable, c'était encore trop haut ça. Voilà, on en était là, bon, faut dire, c'était le fin fond de la Bretagne, bon, c'était comme ça. Et le rapport au livre était très lointain, enfin en gros c'était ma famille vivait dans le cadre du... Je ne sais pas si vous avez lu à un moment donné un bouquin qui s'appelle Le Cheval d'Orgueil de Pierre-Jacques Estrigas, voilà. En gros c'est ça. Bah ma mère jouait là-dedans d'ailleurs, donc c'était assez amusant, mais enfin bon c'était voilà ce genre. Pays Bigoudin, oui absolument. Voilà, le bout du bout, hein, avec une tradition très forte, mais jusqu'à chez mes parents, enfin, de fait, ils ne parlaient, mes grands-parents ne parlaient que breton. Là aussi, c'est pas pour rien que je défends aussi, et on revient encore à la même chose, à bon en breton. Ben, j'ai vu ça, voilà. Pour rentrer à la SNCF, à l'EDF, mes parents ont fait le choix de faire le deuil de leur langue. Enfin, ce que ça peut signifier d'un point de vue symbolique est quelque chose d'épouvantable, finalement, quoi. Voilà, mais c'était le cas. Donc à la place, ben, on a eu le vin blanc, l'alcoolisme, enfin bon, pas ceux des meilleurs, mais on a eu droit à tout ça à la place de la langue bretonne. Et voilà, donc on a un peu eu cette affaire, mais ça veut dire que pour des inclinaisons, on va dire, intellectuelles, très vite, bon, j'ai commencé à essayer de les voir ailleurs. Bon, c'est vrai que j'avais 10 ans, je commençais à acheter des bouquins qui sortaient à... pourquoi, je sais pas, mais enfin, c'était des trucs surtout de contre-culture, de type actuel, ou surtout rock et folk. Voilà, c'était curieux, mais j'avais 10 ans, bon, c'était un truc, voilà. Et puis, ça a démarré très vite avec les premiers libés, où je faisais parfois 20 bornes pour acheter le libé quand il sortait. Des fois, il sortait pas, quoi. Et puis voilà, il y a eu d'autres trucs. Quand le monde libertaire est un petit peu arrivé aussi, il y a eu celui-là. Mais ça, c'est encore plus rare que de mettre la main dessus. Et puis, très rapidement, il y avait ce rapport aussi en Bretagne qui était très, très vivace. C'était un rapport à l'antimilitarisme. Ça, c'était une espèce de réalité, une constante, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'un jour, il faudrait s'interroger là-dessus. Mais voilà, il y a eu souvent des rencontres avec toute une bande, mais peut-être à cause de quelqu'un comme Vautier qui a beaucoup fait de films justement là-dessus. Il était là-bas, bon, à côté de chez moi, donc c'est vrai qu'on allait souvent le voir. On a fait souvent des réunions avec la Bollardière, tous ces gens-là, donc on avait énormément de débats effectivement là-dessus. Voilà, bon, c'est vrai que c'était assez excitant. J'ai moins eu de rapport avec l'ALCR à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'il fallait quasiment être debout comme ça, dès qu'on commençait à coder. Putain, c'est quoi ce machin? Je parle même pas du PC, parce qu'ils étaient pour le nucléaire, et c'est vrai qu'à 17 ans, ben, on se tapait dessus violemment, parce qu'eux, ils étaient pour Plogoff, et puis... ben voilà, donc il y avait un hiatus total par rapport à ça. Bon, et puis voilà, donc ma culture s'est un petit peu développée là-dessus et au travers des livres que je pouvais lire et des rencontres qui étaient les miennes. Et donc c'est vrai qu'on a eu un circuit qui n'était pas insignifiant. C'est vrai que j'ai fréquenté aussi pas mal de gens qui étaient des insoumis. Et qu'est-ce que c'était la vie d'un insoumis à cette époque? On a tendance à l'oublier, mais il se cachait. C'était, voilà, c'était extraordinaire. Voilà, donc on avait affaire à un certain nombre de personnes de ce type, et on va dire mon militantisme, en tout cas, moi, il était celui-là. C'est poser effectivement tout simplement la fonction, comment un individu tout simplement doit assumer ses idées, jusqu'à quel point. Voilà. Ce qui fait que de fait, j'ai assumé mes idées, je ne suis pas allé à l'EDF, parce que j'estimais qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient défendues là, et que mon parcours m'a amené à être un irrégulier aussi quelque part, et à un moment donné, j'ai eu tout simplement les moyens, on va dire, intellectuels, petit à petit, de pouvoir être éditeur, et au travers tout simplement du rapport que j'avais au bouquin, parce que j'ai commencé là aussi à faire des livres d'artistes, donc avoir un rapport à la typographie. Mes premiers livres réalisés étaient faits avec des typographes au plomb. C'est il y a 10 ans, il y a peu de temps, qui étaient là aussi des gens d'une vie absolument extravagante. Hein. Bon, fallait les entendre parler, voilà, c'est ça. Bon, ils picolaient moins, quoique. on l'a mis dans la. On l'a mis dans la collection Attitude parce que effectivement, quand il relate la vie des typographes là-dedans, au 19e siècle, il faut imaginer qu'ils vivent dans des grandes salles, parce que de fait il y a de l'encre, donc il y a beaucoup de choses volatiles, donc ça veut dire que l'été il fait très chaud et l'hiver il fait très froid. Et alors, pour résister, et comme ils sont payés toutes les semaines, eh ben ça y va. Donc, et en même temps, d'un autre côté, ben, ils ont un rapport à l'écriture. C'était une des rares professions dans lesquelles on travaillait manuellement, mais on travaillait aussi avec sa tête. Donc c'est vrai que c'était un monde absolument extraordinaire. Le plan de la correction. Absolument. Et mes premiers typographes étaient des gens qui étaient versés là-dedans, qui avaient un rapport à la typo. J'ai appris à ce moment-là qu'était la différence entre une écriture effectivement du 19e, du 17e, les entablements, les caractères, les espacements, le rapport à ce qu'on appelle le rapport au blanc. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait non pas une page de bloc de texte, mais on fait un rapport au gris, c'est un espèce d'équilibre entre le fait de tenir les mains, le fait de tenir les marges, le fait de tenir une typographie. Et c'est vrai que ça a avancé au fur et à mesure comme ça. Ce qui fait que moi j'ai souhaité assez rapidement, je veux dire, pour les couvertures, on va prendre une typographie qui soit bien visible, qui est un Gilles Serre, qui est avec un superbe en l'empattement, ça se voit de très très loin. C'est vrai que quand c'est des bols, donc on le voit très très bien. C'est une typographie d'affiche. Voilà. Et à l'intérieur, par contre, je ne voulais pas quelque chose de trop trop classique, donc j'ai évité de prendre un Garamond, qui est le Lambda, mais une version contemporaine, effectivement, du Garamond, qui est plus usité, paradoxalement, qui s'appelle le Sabon. Et j'ai poussé quand même une réflexion assez importante là-dessus. Et puis, j'ai fait pendant 4 ou 5 ans, donc j'avance peut-être un peu sur les bouquins courants seuls, mais j'avais ce respect effectivement du blanc. Les poètes avec lesquels j'ai travaillé aussi au départ ont ce rapport au blanc. Et quand il s'est agi après de faire tout simplement des blocs de texte, parce que finalement un roman, on ne va pas lui demander qu'il y a à chaque fois une passe révolutionnaire. Ce qui est important là-dedans, c'est le déroulement finalement de la pensée. Mais on s'est dit quand même qu'il fallait que ça respire. Et puis j'ai eu la chance là à ce moment-là de tomber sur quelqu'un que j'ai embauché il y a 2 ans maintenant, qui venait d'une école, enfin d'un IUT du livre, mais qui avait ce rapport-là finalement à la typo. C'est-à-dire que l'une des premières choses qu'elle m'a dit, faites peut-être pas attention à ça, mais les A apostrophe qui est en début de phrase, par exemple, la quasi-totalité maintenant des bouquins ne font même pas attention à ça. La première chose qu'elle m'a dit, tous les A là. Tu les mets avec accent ou sans? Je dis, avec, évidemment. Ça allait de soi. Et ben, après, je me suis aperçu que je faisais même pas attention à ça. Mais de fait, sauf Actes Sud et 2 ou 3 autres comme ça, il ne faut plus attention à ça. Une autre chose qui est anodine, vous allez dire, vous n'allez pas faire gaffe à ça. Les deux points qu'on met pour une ouverture de texte, par exemple, eh ben, c'est 2/3, 1/3. Vous savez ça, vous? Non. Eh ben non. Eh ben voilà. C'est 2/3 devant, 1/3 derrière. Ouais. Eh bien, même ça, je fais attention. Bon, mais on est un peu toqué de la typographie. C'est notre truc. On fait tout passer au correcteur, on fait revenir les choses, on vérifie. Il y a effectivement des gens qui ont ramènent le texte en disant, bon, il faut que tu revois ça, etc. Tu réaménages ce genre de choses. C'est vrai que quand on est en face de textes absolument érudits comme ça sur cette musique, il y avait peut-être la moitié que je ne connaissais pas. Bon, c'est vrai que les textes sont revenus 3-4 fois, on a dû aller sur Internet effectivement vérifier ça. C'est là qu'effectivement j'ai commencé aussi à récupérer des trucs sur Internet pour les écouter aussi. Et on avance effectivement là-dessus. Voilà, mais on fait vraiment attention à ce type de choses. Et c'est vrai que le rapport à la typographie, je pense que c'est absolument essentiel. Et c'est là aussi qu'on commence à perdre les livres. Les 3/4 des bouquins dont on parlait tout à l'heure, ce fameux roman de gare. J'ai vu un truc là, Virgile des Pentes, vous connaissez peut-être. La guerre du Golfe, fait par Grasset, ça s'appelle la guerre du... Et c'est écrit comme ça. Et ça emmerde personne. Ils vont en vendre 50 000 ou 100 000. Il y a une faute sur la couverture, c'est ça? Non, quand même pas dans la couverture, mais à l'intérieur. Enfin, la guerre du Golfe. À l'intérieur, pardon, Virgile des Pentes. Ouais, mais bon, c'est une des coquilles, il doit y en avoir 50 dedans. Mais voilà, bon, ça nous arrive aussi, hein, il y en a toujours une. Hein, voilà, je peux vous dire qu'en émission du 1er mai, il y a une date qui est erronée. Vers la fin. Mais moi, j'ai pas fait attention à ça. La personne qui a bossé avec moi là-dessus aussi, et il s'avère que ma compagne, elle a ouvert la page pile dessus. Il y a des gens comme ça qui réussissent à tomber sur l'erreur. Alors j'étais content, hein. Non, mais il y en a deux, Ça arrive, ce genre de choses, et ça fait le charme après des bibliophiles aussi. Il faut savoir notamment que pour les bibliophiles, à un moment donné, même quand on faisait des trucs au plomb, il y avait souvent ce qu'on appelle la coquille. Et la première édition, qui est souvent le truc avec la coquille, coûtera toujours plus cher que la deuxième édition dans laquelle il n'y a plus la coquille. C'est certes mieux écrit, mais ça a moins de valeur. Donc, mais ça, c'est une tradition dont on pourrait aussi parler longuement. Non. Là, c'est une... Il y a des gens qui vont acheter, ceci étant, des vieux Maspero, parce que moi, j'aime bien les couvertures des vieux Maspero, notamment... Bon, voilà, ça n'existe plus, il y a des bouquins que je vais acheter comme ça, les éditions Champ Libre, donc j'aime bien la typographie de la couverture, je vais bêtement en acheter quelques-uns. Voilà. Et des trucs de Poulaille, bon, là on revient effectivement à la littérature prolétarienne, pourquoi j'en fais pas plus? Parce que je trouve que c'est suranné, parce que je trouve que c'est souvent que des postures, que c'est pas parce qu'on va parler des cheminots qu'on va faire de la bonne littérature. Non, c'est justement, moi ce qui m'a intéressé dans la littérature prolétarienne, c'est de trouver les quelques auteurs qui avaient vraiment une écriture, parce que la plupart c'est des témoignages bruts, et c'est ouais. Pas très, là, c'est pas très bon, mais voilà. Quelqu'un comme Neldorf, c'est déjà mieux, j'ai trouvé, Et ben on en reparlera, parce que je suis à la recherche de, on va dire, tout simplement de bons écrivains à ce niveau-là. C'est pas si. Il y a un Georges Navelle. Oui, mais voilà, ça faisait partie du trio. Voilà. Non, Navelle, c'est encore autre chose. Et puis Navelle, il est chez Gallimard. Voilà, de toute façon, ça règle le problème. Hein. Oui.